On va parler des du tournoi des Cœurs Scott. On sait que ça va commencer demain. On a parlé avec Marie-France Larouche. On a parlé également avec... demain, on va parler avec Alain Huzereau. Là, on va rejoindre en Colombie-Britannique puisque l'équipe est arrivée. C'est l'entraîneur Joël Gagné. Salut, Joël. Oui, bonjour tout le monde. Joël, on est à quelques heures du premier match. Est-ce que tu as été en mesure de constater comment que c'est gros le tournoi des Cœurs Scott? Je pense qu'on réalise quand même l'ampleur de la compétition ici. Okay. On est arrivé cette nuit très tôt. On est arrivé à 2h30 après un voyage qui a duré 15-16h avant d'arriver à destination à l'hôtel. Puis, quelques heures de sommeil. Bon, aujourd'hui, c'est une journée pour s'approprier un petit peu tout les lieux, le contexte ici pour être plus relax au début de la compétition. OK. Dis-moi, par rapport à Vancouver, est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est loin de Vancouver? Nous, on a fait un vol Montréal-Vancouver, puis on a refait un vol Vancouver-Kelowna qui est d'une durée de 45 minutes. Okay. Donc, je dirais que c'est pratiquement l'équivalent quasiment à Alma-Montréal ou presque. Okay. Puis, on a fait quand même une heure de route après. Là. On avait un 80 km pour arriver à Penticton. OK. Donc, c'est une petite ville, c'est ça? C'est une ville de la grosseur d'Alma. C'est 34 000 habitants environ. OK. Donc, ça nous dépayse pas trop de ce côté-là. Okay. Par contre, le paysage n'est pas le même. Il y a beaucoup de montagnes. On est le gazon est vert. OK. C'est sûr. C'est la neige chaud. Un petit peu dans le haut des montagnes ici. OK. Dis-moi, l'équipe, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, c'était l'euphorie totale. Est-ce que vous avez eu l'occasion de décanter? Parle-moi de la préparation qui est en vue des Cœurs Scott. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec des gens? Moi, j'ai parlé avec Marie-France Larouche qui a participé à cette tournoi des Cœurs. Également, vous l'avez battu. Elle confirme que c'est gros. Est-ce que vous avez eu parle-moi de ta préparation en vue de ce tournoi-là? Une fois l'euphorie tombée, je dirais ça a pris 2 ou 3 jours. C'est vraiment les filles. Bon, là, j'ai dit faut continuer de tirer des pierres, faut se mettre en mode curling puis concentration de ce côté-là. Puis je dirais qu'au niveau de la préparation, on n'a pas trop changé de choses. La seule chose qu'on a faite supplémentaire, c'est dimanche après-midi, on a réuni toute l'équipe avec les parents pour savoir exactement ce qu'il en était au niveau de la préparation, dans les chambres, comment on s'organise. Pour pas arriver ici puis avoir tout à faire. Là. Moi, je voulais que les choses soient claires un petit peu dès le départ. Puis, mais au niveau curling, la préparation, c'est pas mal la même. Les filles jouaient une partie ici à Alma le mardi soir, comme à l'habitude. Okay. Puis, c'est sûr que pour parler à des gens, je pense que c'est les gens qui viennent plus nous voir, puis c'est surtout des encouragements qu'on reçoit. Puis un bel élan de générosité aussi de... entre autres, là, du centre civique de Dolbeau-Mistassini. Ben oui, 11 $, c'est vrai. Qu'on est là, la population. Ouais. Et également dans notre secteur à Alma, là, un bel élan de générosité. Mm. Parce qu'on sait que c'est, oui, il y a des choses à payer, mais ici, on se rend compte là, qu'on va dépenser beaucoup de sous, mais on a un très beau support également. Donc, okay. C'est ce qu'on a senti beaucoup, là, dans les derniers jours. Dis-moi, est-ce que l'importance, parce que vous avez eu l'occasion un petit peu de penser aux adversaires. Est-ce que vous avez quand même un calendrier facile pour les premiers matchs? Est-ce que vous avez quand même quelque chose qui peut vous favoriser? Je pense que je dirais qu'il n'y a rien nécessairement en notre faveur. Toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Parce qu'ici, on est au championnat canadien, donc il n'y a pas de petites équipes ici. Là. Donc, je pense que les filles, c'est pierre après pierre, puis... moi, je sais que c'est des filles qui sont sérieuses quand ils embarquent sur la glace. Puis des fois, je leur dis là, je veux voir le feu dans vos yeux. Là, on donne tout ce qu'on a à donner quand c'est le temps. Non, mais est-ce que tu as eu l'occasion de voir quelle équipe part favori? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir également quelle équipe qui pourrait être prenante pour vous? Est-ce que vous connaissez un peu vos adversaires? Je dirais qu'on les connaît pour les avoir vus à la TV. Puis là, je pense que c'est les filles qui les connaissent beaucoup plus que moi parce que je pense qu'ils retiennent encore ça plus que moi. Là. Mm. Mais oui, effectivement, écoutez, il y a Jennifer Jones qui est une des favorites ici. Demain soir, il y a la 16e place du tournoi qui va être disputée entre deux équipes qui sont à la tête du classement du circuit canadien. Ça, c'est le match Wild Card, ça, hein? Oui, c'est ce qu'on appelle le wildcard. C'est nouveau, la formule est nouvelle cette année. Oui, OK. Donc, nous, il va y avoir 16 équipes, on est dans un pool de 8. Nous, on nous a classés en 14e position là, dans le sommage des équipes qu'on appelle. Le ranking, le power ranking qu'on appelle. Il n'y avait pas grand-chose pour se baser. Là. C'est le power ranking qu'on appelle. C'est un peu le power ranking comme au hockey ou un peu importe. Là. Ouais. 14 sur 16, c'est ça? Ah, c'est quand même pas pire, pareil. C'est quand même pas pire, pareil. Dis-moi, est-ce que vous avez eu, vu que c'est une équipe junior, est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de... Est-ce que vous parce que moi, j'avais dit à Marie-France, cette histoire-là va faire le tour du pays. Est-ce que tu as senti vraiment que t'as été approché par les autres médias? Ou c'est sûr que mec que vous ayez une glace, mec que vous commenciez vos matchs, c'est là que peut-être vous allez sentir que ça a fait le tour du pays? Moi, je pense qu'on le sent déjà parce que juste par notre page Facebook, entre autres, hier, on a publié là, une photo dans la voiture lorsqu'on était dans le parc des Laurentides, là, qu'on était à notre départ. Puis, je pense qu'il y avait 7500 personnes atteintes hier soir déjà. C'est un peu fou de ce côté-là. Là. On sent qu'il y a beaucoup de médias, on nous regarde, on nous aborde. Là, on se promène dans les rues, tout près de l'hôtel pour un peu décompresser en même temps, changer d'idée, parce qu'à un moment donné, ça prend ces moments-là aussi, là, dans des compétitions comme ça, de détendre puis de lâcher son fou un petit peu. Là. OK. Est-ce que vous allez tenir une séance d'entraînement au complexe où est-ce que vous allez jouer votre match? Parce que les glaces sont peut-être pas nécessairement pareilles. Est-ce que c'est prévu, ça? Oui, c'est des glaces de championnat avec des pierres de Curling Canada. Écoute, on reçoit même, j'ai le numéro de série de chacune des pierres qui vont être utilisées dans le cadre du championnat. C'est quelque chose où on est moins habitué un petit peu quand on joue seulement dans les tournois régionaux ou provinciaux. Là, ça arrive moins régulièrement. Mais effectivement, demain matin, c'est la séance des pratiques pour toutes les équipes. Donc, on a le droit à 10 minutes de pratique sur chacune des glaces, là, à tour de rôle. Donc, nous, c'est vers 10 heures là, qu'on a notre séance de pratique en compagnie de trois autres équipes. Puis, c'est un peu là que ça commence, puis que les filles vont devoir déjà s'approprier l'environnement. Mais moi, aujourd'hui, avec TSN, on a des photos, des prises de vue à les prendre vers 2h45 aujourd'hui, ben 17h45 d'heure du Québec. Puis, par la suite, moi, mon intention aujourd'hui, c'est d'aller voir là, dans le centre sportif, les installations, pour pas arriver demain puis que ce soit de l'inconnu. Là. Est-ce que ça peut être un handicap qui pourrait vous gêner en début de tournoi? Non, je croirais pas. Je pense que les filles ont quand même la capacité de s'adapter rapidement. Je vous dirais, quand on change de club, on arrive sur d'autres glaces... La vitesse des pierres, les courbures, le brossage. Je pense que les filles ont assez d'expérience pour s'ajuster rapidement. Là. OK. Premier match, chez quand? Notre premier match est à l'heure locale ici, à 14h samedi après-midi contre le Nunavut. 17h heure du Québec, donc... 17h heure du Québec. Est-ce que le match va être présenté... Est-ce que tu sais si ça va être présenté à RDS ou TSN? Est-ce que tu as des indications là-dessus? Je sais que demain, je vais parler avec Alain. Alain va être lui qui sera dans la description. Mais est-ce que les gens vont avoir l'occasion de voir à tout le moins, si c'est pas sur RDS ou TSN, le voir sur le web? À ce qu'on m'a dit à ce que j'ai lu moi dans la documentation qu'on a, c'est que c'est vraiment TSN qui a le contrôle à savoir quel match est diffusé en priorité. Je pense qu'on nous avertit seulement quelques heures d'avance. Là. Okay. Si je me fie à ce qu'on voit habituellement à la télévision, habituellement s'ils présentent un match, ben vers la fin, on nous dit quel match va être présenté par la suite. Donc j'imagine qu'on nous avise un petit peu à l'avance et évidemment on va transmettre l'information aussitôt qu'on la connaît là, via notre page Facebook ou via un petit peu tout le monde qu'on connaît. Là. Il y en a plusieurs. Je sais que nous, au club, Riverbend d'Alma, ils s'organisent puis pour enregistrer des matchs dans le jour, les représenter en soirée, si jamais on est diffusé tout ça, puis ils invitent même toute la population à s'y rendre pour, entre autres, faire connaître le curling également. Ben oui. Dis-moi, est-ce que tu sais si jamais le match n'est pas présenté, s'il y a une plateforme web que les gens peuvent regarder ça sur Internet? Je n'ai pas cette information-là, okay, malheureusement. Okay. Je ne sais pas si des fois, c'est à RDS, on a RDS 1, 2... Ben, demain, on va poser la question à Alain, on va le savoir. Joël, on va s'en reparler. Oui, ben, c'est sûr que si on a de l'information de notre côté, on va essayer de la transmettre. Oui, on va se parler peut-être une fois ou deux la semaine prochaine. Et après ça, on parlera à Mélina. Donc, bravo, c'est déjà un exploit que toute l'équipe est déjà rendue en Colombie-Britannique pour le tournoi des Coscott. On va suivre ça de près. Premier match, 17h, heure du Québec, samedi contre Nunavut. Voilà. Donc, Joël Gagné en direct de la Colombie-Britannique. L'équipe de Mélina Perron va disputer son premier match en fin de semaine.